avant la scène, entre le froid et la chaleur, entre les coulisses et le public, nous sommes tous identiques. Tu sais, mon fils, je suis de retour, mais malheureusement sans toi. Je ne peux pas te dire que je me fous de tout, car dans le pays où l'on vit, il y a la ville de mon cœur. Dans cette ville, je vais être âgé pour pouvoir chanter le rock'n'roll. Sache qu'il faut toujours se battre, garder l'espoir pour la paix. Moi, je ne suis pas l'homme que tu crois. Mais pour les ailes d'un ange, te dire la prière du condamné, ça j'y arriverai. Je serai comme un aigle avec le vent dans le dos, comme un vagabond qu'on appelle le déserteur. Au nom du Père, je me révolte, par amour pour eux et sans avoir à un seul instant la peur d'aimer. Un jour, sans soleil, je pourrai m'intoxiquer, juste pour toi, battre le tempo face à vos regards. C'est ainsi dans mon univers. Pour moi, la gloire n'est qu'un espoir, mais je suis si seul dans la vie. Est-ce que tu m'aimes toujours? J'ai besoin d'être aimé de toi. J'ai mal de partir, peur de l'ombre ébène. Si on savait vivre avec ça, avec cette peur, je ne serais pas l'enfant abandonné. Un homme ayant perdu sa seule et unique parole d'homme. Loin d'ici, il y a un ange en feu. Une fille magnifique. En plus, le rock, elle pense qu'à ça. Mais comment lui ouvrir les yeux? En bref, je ne saurais sûrement jamais quel chef tu étais. Mais par cette lettre, il était temps que j'attaque.